Poulop Selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. Poulop Selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. On est arrivé, on n'a pas pensé à frapper par la petite porte mal où on s'est faufilé. On ne reste pas possible, l'écriture est jamais docile. Pam pam, et le rythme mon kill sans forcément vendre des kills. Car ce son est mon exil sur ce rythme. Un idéal, on ne reste pas tranquille. Les recherches donc des piles, car la tête et ta pupille et l'OCB, nous allons lâcher. On chauffe la dernière fois, on va chauffer les cœurs encore une fois. Tout au bord de vibration, à une sélection digne de ce nom. Mais c'est pull up selecta, pull up selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. Pull up selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. Pull up selecta, on remet ça. C'est l'ombre de Biguadan et sur Axe et Témaïa. Je n'ai qu'un pull up selecta, je te donne ça. C'est l'ombre de Big, encore plus. Mais one, je te dis sur le rythme en galope. Quand on prend le micro dans les dancehall, c'est pour ma shop. On vient foutre le feu pour mettre le dancehall au top. Si la sélection est bonne, le selecta vient pull up. Je veux voir remuer le corps et les fesses des belles frangines. Et faire bouger les massifs sur du son ragamuffin. Le reggae music est une bonne dose de vitamine. Pull up selecta si ce son assassine. Mais c'est pull up selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. Pull up selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. Good vibes, donnez-nous des good vibes. Ce reggae nous apporte vraiment quelque chose. Abandonnez-nous des good vibes, donnez-nous des good vibes. La castité va et abigoisez sur Axe brûle la session. C'est pas ce qu'on sent, bien joué. C'est parce qu'il kiffe, c'est parce qu'il aime, c'est parce qu'il adore le reggae. Toutes ces sensations, je ne peux plus m'en passer. À force d'en écouter, le fil des années en moi, il s'est incrusté. Tebaya, love reggae music. Akasti, love reggae music. Mais c'est pull up selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois. Pull up selecta, remets-moi ça. Oui, remets-moi ça, ganja man, encore une fois.